Chapitre 27e. Bien qu'on vécût dans une sorte d'inaction tranquille, c'est-à-dire en n'ayant rien à faire un jour que ce qu'on avait fait la veille et ce qu'on faisait le lendemain, Michel avait persisté à ne pas accorder de permission pour aller à Paris. Il savait tous les murmures que cette rigueur provoquait, et c'était précisément sur ces murmures qu'il s'appuyait pour ne pas revenir sur une résolution dont il sentait lui-même l'injustice. « Je ne veux pas céder à la menace, » disait-il. « D'ailleurs, je n'ai pris personne en traître, on a été prévenu. » Cependant, malgré cette raison qu'il se donnait, plus encore qu'il ne la donnait aux autres, il n'était pas sans blâmer lui-même son entêtement. Il comprenait qu'il avait tort, et que ce qu'il faisait là était aussi injuste que misérable, car il appliquait à tous une mesure qui n'était prise que contre un seul. Mais malgré tout ce qu'il pouvait se dire et tout ce qu'il se disait réellement, il eût été impossible d'admettre l'idée que le colonel retournait à Paris auprès de Thérèse, tandis que lui-même restait à la Varenne. Avec quel prestige le colonel ne reparaîtrait-il pas devant sa cousine, alors que depuis son départ il n'avait, pour ainsi dire, pas laissé passer un jour sans inventer quelque don nouveau, quelque générosité nouvelle, pour en confier l'organisation et la distribution à Thérèse? Avait-elle pu n'être pas fascinée et ravie par ce moyen de séduction si puissant sur une âme tendre et généreuse? N'était-il pas tout naturel qu'elle succombât? Cela était fatal et personne ne pouvait lui en faire un crime. Seul à Paris, livré à ses pensées, quelle comparaison ne devait-elle pas faire entre ces deux hommes qu'il aimait? Et il reconnaissait lui-même qu'il eût fallu qu'elle fût aveugle ou insensible pour ne pas donner tout l'avantage à son cousin. Que n'avait-il pas pour lui cet homme qui se présentait comme un héros de roman? Le rayonnement de la fortune ne le couronnait-il pas d'une sorte d'auréole? N'avait-il pas l'attrait mystérieux de l'inconnu? Assurément, dans de pareilles conditions, il n'y avait pour lui qu'à renoncer à ce mariage. Mais ce n'était pas d'aujourd'hui que l'on dit que la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Or, il aimait Thérèse, il l'adorait, depuis qu'elle n'était plus un enfant, et il ne vivait que par elle et pour elle. 20 fois, il était parti pour aller trouver Antoine et lui dire « Je vous rends votre parole ». 20 fois, il s'était arrêté en chemin, trop faible pour pousser la porte, derrière laquelle son sort allait se décider irrévocablement. Pourquoi renoncer à l'engagement pris par Antoine et par Thérèse? Lui disait une voix contre laquelle il ne pouvait se défendre. Pourquoi ne pas attendre? Qui sait ce qui peut arriver? Ce qui pouvait arriver, c'était que le colonel fût tué par une balle ou par une fluxion de poitrine. Parmi toutes ses qualités, il ne possédait pas celle de l'immortalité. Il avait déjà été blessé. Il pouvait l'être plus grièvement. Ne paraissait-il pas chercher les blessures? Alors, qu'arriverait-il? Les choses avaient continué comme elles allaient, les jours succédant aux jours, les heures d'ennui aux heures d'ennui, les fatigues aux privations, les privations aux fatigues, et l'on était arrivé au 1er janvier 1871, sans que la situation eût changé et sans que rien annonçât qu'elle dût changer un jour ou l'autre. Ce jour-là, Antoine et le colonel étaient libres de tout service et ils s'étaient retirés dans la maison qu'ils occupaient avec 2 autres de leurs camarades en ce moment de garde. Antoine paraissait triste. Son neveu lui avait proposé de passer la soirée ensemble. Ils causeraient intimement au coin du feu, ils souperaient en tête à tête. La nuit était venue de bonne heure, car tout semblait se réunir, le ciel lui-même, pour rendre cette journée, ordinairement si pleine de joie, maussade et lugubre. Ils s'étaient installés dans leur sous-sol, devant un bon feu qui les réchauffait et les égayait, mais cependant sans chasser la préoccupation d'Antoine. Au moment où ils allaient mettre leur souper sur le feu, le colonel entendit une voix qui l'appelait au dehors. « Mais c'est Denisot !» s'écria Antoine en se levant vivement. Plus prompt que lui, le colonel avait ouvert la porte de l'escalier. « Il fait si sombre, » dit Denisot, au haut de l'escalier, « que je ne retrouvais pas mon chemin. » Et les marches en bois craquèrent sous ses pas. Denisot n'était pas seul. « Qui donc est avec toi ?» demanda Antoine. Mais on ne répondit pas. Antoine alors prit sur la table la bougie, plantée dans une bouteille qui les éclairait, et la leva. La lumière courut dans l'escalier. « Thérèse !» Ce nom s'échappa en même temps de la bouche du père et du cousin. C'était Thérèse, en effet, qui sauta au cou de son père, puis l'ayant tendrement embrassée, elle tendit ses 2 mains à son cousin. « Puisque vous ne pouviez pas venir à Paris, dit-elle, c'était à moi de venir à la Varenne. « Je ne voulais pas l'amener, dit Denisot, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour résister, mais il n'y a pas eu moyen, elle voulait venir seule. Et je l'aurais fait. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux céder. Nous avons pris les bons chemins. Est-ce que tu pouvais penser, dit Thérèse, que je laisserais passer cette journée sans t'embrasser ? Assurément, mon oncle ne vous attendait pas, ma chère cousine, car il était bien triste, et je crois que je me serais vertué en vain à le distraire. C'est égal, dit Denisot. Je suis curieux de savoir ce que le commandant va dire quand il va apprendre qu'une jeune fille est venue passer la soirée aux avant-postes. Nous allons voir l'homme de la discipline. Quoi qu'il dise, il aura raison, répondit Antoine. Cependant pour moi, je suis si heureux que je ne puis pas gronder. D'autant mieux qu'il y a autre chose à faire, dit Denisot, posant sur la table un panier qu'il avait apporté. C'est très bon de s'embrasser quand on ne s'est pas vu depuis plus de 3 mois, mais c'est bon aussi de bien dîner. Que dites-vous de cela ? Et d'un air de triomphe, il tira de son panier une petite dinde qu'il leva en l'air. Mon Dieu, oui, il ne faut pas croire que vous rêvez. C'est bien une dinde. Et elle n'est pas en carton comme au théâtre. Elle est en chair et en os, pas très grosse, j'en conviens. Ce qui n'empêche pas qu'elle coûte juste 100 francs. Maintenant, voilà un morceau de beurre frais pour l'arroser. Pas bien gros non plus, mais il coûte 35 francs, la livre. Maintenant, faites-moi place un peu devant le feu, que je m'occupe de la cuisine. Il ne faut pas que vous regrettiez votre bouillie de cheval. Il faut aller chercher Michel, dit Antoine en se levant. Ils allaient donc rester ensemble durant quelques minutes. Cette pensée empêcha le colonel de dire à son oncle qu'il allait lui-même prévenir le commandant. Antoine partit, et ils restèrent dans un coin de la cuisine, tandis que Denisot embrochait sa dinde avec un morceau de bois. Mais tout d'abord, ils ne parlèrent que de choses qui ne les touchaient pas personnellement, au moins dans leurs sentiments intimes. Et il fallut des préparations, des détours, pour que le colonel abordât le sujet qui depuis si longtemps le préoccupait. Cependant, il devait se hâter, car Michel habitait une maison qui était mitoyenne avec la leur, et il pouvait arriver d'une minute à l'autre. « Et Madame de Lucilière, dit-il enfin, vous ne l'avez pas revue ?»« Non, pas depuis sa visite, qui a été la première et la dernière. » « Et que vous a-t-elle donc dit de moi, que vous n'avez pas voulu me l'écrire ?» Il la vit baisser les yeux d'un air contraint et embarrassé. « Je voudrais ne pas insister, dit-il en continuant, mais Madame de Lucilière est parfois si bizarre, que j'ai grande curiosité de savoir en quelle disposition elle était ce jour-là, bonne ou mauvaise, j'entends, pour moi. »« Bonne, je vous assure, c'est-à-dire que vous croyez. Mais il arrive quelquefois que sous une apparence bienveillante se cachent des interventions perfides. » Vous savez cela comme moi. Mais vous ne connaissez pas Madame de Lucilière comme moi, de sorte qu'il vous est difficile d'apprécier la sincérité de dispositions qui vous ont paru bonnes et qui peut-être sont mauvaises. Ne croyez pas cela. Je vous assure que Madame de Lucilière ne m'a parlé de vous qu'en bons termes et avec amitié. Mais encore, qu'a-t-elle dit ? De nouveau, Thérèse baissa les yeux et garda le silence. Mais bientôt elle releva la tête, donnant à son visage un air souriant, que démentait le tremblement de ses lèvres. « Il y a des choses, n'est-ce pas, dit-elle, qui sont embarrassantes à répéter pour une jeune fille. Eh bien, je vous promets que quand je ne serai plus jeune fille, je vous raconterai tout ce que Madame de Lucilière m'a dit. Mais, ma chère Thérèse, je vous en prie, n'insistez pas. Vous voyez comme vous me mettez mal à l'aise. Plus tard, je vous le promets, vous saurez tout. » Que signifiaient ces étranges paroles ? Mais il n'eut pas le temps de le demander. Un bruit de pas retentit dans l'escalier. Michel et Antoine arrivaient. Pendant que Thérèse allait au-devant de Michel, il réfléchit à ce qu'elle venait de lui dire. Sans doute, tout cela était bien vague. Cependant, il y avait un fait intéressant à noter. Madame de Lucilière n'avait pas renouvelé sa visite, ce qui indiquait qu'elle n'était pas bien attachée aux idées de vengeance qu'il lui avait prêtées. Ou bien, si ces idées existaient, elle avait dû se décourager en voyant qu'elle perdrait son temps avec Thérèse. En tout cas, sa visite n'avait pas eu une influence fâcheuse sur les sentiments de Thérèse, qu'il retrouvait tels qu'ils étaient le jour où il s'était éloigné de Paris. En elle, le même regard doux et tendre, le même sourire affectueux, dans sa voix, le même accent de sympathie et d'amitié. La conversation devint générale. Que de choses à se dire depuis qu'on était séparés. Ce qui s'était passé à l'ambulance, ce qui s'était passé aux avant-postes. Pendant ce temps, Denisot veillait la cuisson de la dinde qui rôtissait devant la cheminée et répandait dans la cuisine un fumet que Michel, Antoine et le colonel n'avaient pas respiré depuis de longs mois. On se mit à table et le nuage sombre qui pendant toute la journée avait assombri le front d'Antoine se dissipa. « C'est un dîner de la Marne, » dit Denisot. « Il me semble que nous sommes au moulin flottant. » Il y avait quelque chose cependant qui disait qu'on n'était pas au moulin flottant. C'était de temps en temps les sourdes détonations des canons prussiens. Car ce n'était plus nous qui tirions sur l'ennemi, c'était l'ennemi qui tirait sur nous, préludant, avec son artillerie de siège, maintenant en position, au bombardement de Paris. Quand l'entretien s'égayait un peu, un coup de canon le ramenait au ton grave. Cependant, Denisot, après avoir soigné la dinde, soignait le feu. « Vous êtes habitué au froid, » disait-il, « mais Thérèse va s'enrhumer. Je réponds de sa santé. » Elle jetait dans la cheminée des frises de parquet, les unes par-dessus les autres. « Tu veux mettre le feu à la cheminée ?» dit Michel. « La cheminée n'est-elle pas bonne ? Je n'en sais rien. Mais si les Wurtembergeois voient s'élever des flammes ou des étincelles, ils vont nous envoyer des obus, et la santé de Thérèse pourrait être alors plus sérieusement compromise que par un rhume. » « Pas de danger, » répondit Denisot, « les cheminées, ça me connaît. » Et il continua à entasser du bois dans le foyer. Mais ce que Michel avait craint se réalisa. Tout à coup, on entendit un ronflement et la flamme s'éleva plus rapidement. Le feu était dans la cheminée. Vivement, on jeta un seau d'eau sur le foyer, mais cela ne pouvait pas éteindre le feu qui était dans le conduit. « Sortons d'ici !» commanda Michel. Comme ils arrivaient dans le jardin, ils entendirent un sifflement qui arrivait. C'était un obus. Le colonel saisit Thérèse par la main et la jeta à terre en se plaçant devant elle. L'obus tomba dans la rue, où il éclata. Mais bientôt, un second sifflement se fit entendre et cette fois l'obus tomba sur le toit même de la maison qui l'effondra. Ils étaient sortis à temps. Maintenant, il fallait s'éloigner. « Et j'étais bête, » disait Denisot. « Heureusement, il ne reste plus que les eaux de la dinde. » Mais ce qui était plus grave, c'était que le dépôt de cartouches se trouvait dans la maison habitée par Michel et contiguë à celle qu'on bombardait. Trois ou quatre obus suivirent celui qui avait crevé le toit, et bientôt aux flammes qui sortaient de la cheminée se joignirent d'autres flammes sortant du toit. Un obus avait mis le feu à la maison. Il fallait l'éteindre, ou bien il fallait déménager le dépôt de cartouches si on ne voulait pas le voir sauter. « Aux cartouches !» cria Michel à quelques hommes qui étaient sortis des maisons voisines, puis s'adressant à Thérèse, « Éloignez-vous avec Denisot. » Les obus arrivaient toujours. Les Wurtembergeois, voyant le succès de leur bombardement, continuaient de tirer sur la maison qui leur offrait un but lumineux. Comme Thérèse allait s'éloigner avec Denisot, qui la tirait par le bras, le colonel s'approcha d'elle. « Venez avec moi, » dit-il. Elle fut surprise de l'entendre parler ainsi. « Comment ? Il ne courait pas aux cartouches. » Cependant, elle le suivit. À 200 mètres environ de l'incendie se trouvait un hangar effondré. Le colonel s'arrêta. « Restez ici, » dit-il, « il n'y a pas de danger ici. » Et il se mit à ramasser des morceaux de bois, puis, quand il en eut fait un petit tas, « Allumez votre mouchoir avec une allumette, » dit-il à Thérèse, « et placez-le sous ce bois. » Et sans attendre l'exécution de cet ordre, il se mit à fendre des morceaux de bois avec son sabre. Bientôt la flamme s'éleva de ce petit foyer, alors il jeta dessus tout le bois qu'il avait trouvé, en disant à Denisot de l'imiter. « Maintenant, sauvons-nous » dit-il en prenant Thérèse par la main. Ils n'avaient pas fait 100 mètres en courant, ils entendirent un sifflement derrière eux. Un obus arrivait sur le hangar. La ruse avait réussi. Les Allemands, croyant avoir allumé un second incendie, le bombardaient pour qu'on ne pût pas l'éteindre. On put procéder plus tranquillement au sauvetage des cartouches. Quand elles furent en sûreté, Thérèse entendit un homme dire « C'est encore Édouard qui nous a sauvés de ce danger ». Et elle avait cru qu'il voulait s'éloigner.